jour j't'ai dit de partir, même si avec toi j'ai envie de m'enfuir. J'laisse peut-être passer ma chance. Pourquoi cette peur au fond de moi de vivre cette histoire avec toi? Je joue l'indifférence, comme si tu ne m'intéressais pas, alors que je ne rêve que de toi. Peut-être un manque de confiance, trop de blessures, de déchirures ont fait que je ne suis jamais sûre. Je laisse pas passer ma chance. Pourquoi cette peur au fond de moi de vivre cette histoire avec toi? Je joue lundi. Comme si tu ne m'as pas.